Regarde, le monde se perd. Regarde, autour de toi c'est clair. La vie que tu aspires sans cesse en rêve. Tu voudrais le monde à tes pieds. Tu cherches un moyen d'exister. Mais tu vois durer le rappel sur terre. Et j'ai pris mon cœur juste pour te le donner. Apaisant, oublie les instants d'amertume. Ne garde pas un brin de rancune. Je crois le monde n'a pas changé. Pourtant le mien cesse d'exister. Puisses-tu pouvoir me pardonner. Et j'ai pris mon cœur juste pour te le donner. Je te l'ai offert et toi tu l'as jeté. Yeah.